derrière à Ekinla. Ekinla vers Crosby, c'est le but! That's my Gilbert shot! Henderson made a wild stab worth spell. Here's another shot, fight by the door! Henderson! And scores for Canada! Alors donc, 4 à 4, et là, l'attaque des Patriots sont quand même tirés au retour! Et le but! C'est long et c'est capté. Julien Ferdi file jusqu'à la zone des buts. Touché pour le rouge et or. Bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières, bienvenue à l'inconduit de partie. En cette magnifique journée ensoleillée, chaude, sortez vos gougounes, on est bien. Ouais. Alors, tu vois, tu t'attendais à ce qu'on fasse une discussion qui n'a pas de sens encore pour commencer l'émission. Mais non, on t'écoutait. Parle pas de temps. On aurait pu revenir sur le grattoir de la semaine passée. C'est ça comme ça, mais non. Non. J'étais un peu déçu. Bon, on fera pas ça. Je m'attendais à vous embarquer dans mes niaiseries. Non, non, mais là, pour l'instant, on métacommunique. Oui, ouais. On perd du temps sur une perte de temps. Relation courante. On a passé à un autre niveau, Nicole. On vient d'atteindre un stade. Ah, les gars maîtrisent. Supérieur. Et voilà. Ça pense juste à leurs études. Rien que le temps de penser à ça. Celui que vous attendez qui est à la maîtrise, c'est Philippe Doucet. Philippe, étudiant en communication ici à la maîtrise. Ouais. Et de l'autre côté, Marc-Antoine, étudiant en communication, mais au bac. Première année. Le bébé. Le petit bébé. La petite première année, là, qui s'est fait initier cette année. La Vierge. Elle part pas bien. Donc, ce matin, à l'émission... on a quand même un gros line-up, je dirais, en deuxième partie d'heure. On va discuter à propos de hockey junior majeur, les Cataractes qui étaient en action cette fin de semaine, deux matchs. On va discuter aussi, Philippe, c'est les lundis foot. Oui. Effectivement. Les lundis football avec Phil. Football européen, bien sûr. Ouais. On va parler de football américain aussi parce que c'était les finales de conférence cette semaine. On est à seulement une semaine du Pro Bowl. Quel beau dimanche, hein? Je m'attendais à seulement deux semaines du Super Bowl, mais non. Non, mais maintenant, on connaît les coachs du Pro Bowl. Oui. Donc. Mais non, quel dimanche de football, pareil, hein? Dans les deux matchs, on a cru à la remontée. Et non. Finalement, les équipes qui avaient pris l'avance tôt en début de match ont réussi à conserver cette avance pour l'emporter. Tu pourrais difficilement être plus à la coche que ça au niveau de la section présentement. On va parler aussi, on va peut-être discuter un petit peu de la série Québec-Montréal. Là. On va voir ce qu'on fait avec ça, donner nos opinions. On va toucher au Canadien aussi, qui est en action samedi contre l'Anaheim. Le retour de Sekou Koivu, qui a reçu un bel accueil à Montréal, disons-le. Magnifique, tu devais être content. Ben, j'étais très content. T'étais pas le seul debout. Non, j'étais à l'endroit, disons-le, j'avais quelques frissons. C'était très émouvant de voir ça. Et j'ai bien ri parce que Koivu se préparait à prendre la mise au jeu, mais il n'avait pas remarqué que tous ses coéquipiers étaient sur le côté du banc et ils attendaient. Il était là, venez vous dire, boys, s'il vous plaît. Mais on commence avec les Patriots de l'UQTR qui étaient en action cette fin de semaine. Disputé deux matchs. Premièrement, on va commencer avec le match de vendredi contre les Redmond de McGill. Le premier match diffusé sur les ondes de Cifou.ca. En web diffusion par vos autres Nicolas Ducharme et Philippe Doucet. Je ne sais pas si vous les connaissez, messieurs. Vaguement. Vaguement, c'est pas quelque chose. Moi, non, c'est ma première année, je ne les connais pas encore. C'est deux bons gars, mais problème d'attitude, facilement la tête. Oui. On perd la tête. Non, mais Phil, comment t'aimais ça? J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Seul point négatif, on gèle à McGill. Ah oui. C'est incroyable. Il semble qu'au prix que ça coûte aller à l'Université McGill, pour chauffer ça. C'était frais. En fait, le système de chauffage, j'ai des petites chaufferettes incandescentes, un peu comme une chaufferette à poulet, c'est ça, qui sont toutes accrochés au plafond, suspendus au-dessus des gradins. Donc nous, comme on était au sommet des gradins, on recevait la chaleur directement, mais ça ne faisait que nous réchauffer dessus des paupières. Ouais, c'est ça. Donc, tout le reste du corps me frissonnait. Les yeux et les lèvres fonctionnaient. Oui, exactement. C'est tout ce qui, c'est ça. C'était j'avais glacé. J'avais le crayon gelé et là, je parle vraiment de mon stylo pour écrire. donc, les Patriots ce soir-là, mais beau petit arena. Beau petit arena. Beau petit arena, mais Connor Arena quand même. J'aime la rénovation qu'ils ont fait. Ils ont installé en haut, écoute, des murs de béton. Pas de béton, mais de ciment. De ciment. Non, mais c'est des blocs de ciment, un peu comme on peut retrouver à Percival Molson, qu'ils ont fait comme agencement, là. Maintenant que c'est comme des, ben, c'est comme des briques de béton, là. Des grosses briques de béton. Ça a rarement eu autant de difficultés dans l'architecture. J'ai-tu l'air de travailler sur la construction? Non, mais des blocs de béton. Oh, ouais, des blocs de béton. Ce qui donne un genre de mur qui fait très, qui fait très université, campus américain, campus old school comme ouais. McGill. Et c'est très bien réussi. Donc, allons-y avec les passionnés du match. C'était une partie très difficile du côté des Patriots. C'est une défaite de 4-0. Et je pense qu'il fallait s'y attendre, Philippe. J'ai eu l'impression dès le début que l'équipe qui a embarqué sa glace elle comptait pas l'emporter ce soir-là. Ou plutôt... Se voyait pas l'emporter ce soir-là. C'est-à-dire que sans nécessairement dire que les Pats étaient prêts à se faire battre, McGill est sorti très, très fort, très rapide, tôt. Ouais. Puis en défensive, écoute, ça a pris, en anglais on dit struggle. Là, ça a été difficile. Ça a été très, très difficile là, de sortir de la zone du côté de l'UQTR pour aller en attaque. McGill est une efficacité incroyable pour ce qui est de bloquer leur attaque. Oui, c'est ça. Entre les deux lignes bleues, en zone neutre, super. Puis on profite des contre-attaques avec des gars comme Doucet, comme Picard Hooper, puis comme Véropol qui était de retour dans l'alignement. Surprise. Oui, c'est ça, la surprise de tous. Vraiment quelque chose de beau à voir du côté de McGill. Et puis, chaque fois que les Pats avaient l'air de reprendre de dessus, ben c'est l'indiscipline qui venait nous hanter. Donc, parce qu'on a décoché 31 tirs du côté des Patriots, mais combien étaient des chances de compter? Très peu. Très peu, très peu. On était des tirs de loin très souvent. Et on vous parlait de Francis Véropol. On s'attendait absolument pas du côté des Patriots, alors qu'on a beaucoup de blessés. La bonne nouvelle, c'était que Francis Véropol n'était pas de l'alignement, ou du moins, c'est ce qu'on croyait jusqu'à ce que la période de réchauffement commence. Et même, j'avais vu Véropol dans l'aréna, je l'avais vu en train de se réchauffer en short et en survêtement. Je me disais, bon, on va peut-être faire la période d'échauffement, mais non, Véropol a participé au match au complet et il est venu faire mal. Le sommaire du match, c'est tout d'abord en première période, Guillaume Doucet, un but en avantage numérique à 5 minutes 36. C'est le seul but de la première période. Et on a eu beaucoup de difficultés dans la première moitié de la première période du côté des Patriots. Mais dans la deuxième moitié, on s'est saisi, on a eu des bons moments. Je pense qu'on espérait beaucoup. Mais dès le début de la deuxième période, c'est encore Guillaume Doucet qui vient faire son 9e de la saison à 45 secondes. Donc, ça a scié les jambes des Pats et après ça... Oublie ça, on n'a plus jamais été capable de... On n'a plus jamais été dans le match, comme on dit. Finalement, troisième période, Véropol qui vient compter son 28e de la saison, tôt en troisième. Donc, on disait, nous à la radio, on disait, c'est it's now or never, là, c'est le temps ou jamais. Là. Ça devait être ça dès le début de la troisième, mais c'était le contraire qui s'est passé. Donc, et finalement, Evan Boston à 16 minutes 51, un autre but en avantage numérique. 2-6 sur cette facette pour McGill, alors que les Patriots, bien sûr, 0-4. Les étoiles du match, Guillaume Doucet, Francis Véropol, Doucet qui a eu une bonne partie, là, en plus de sortir un coup d'épaule, et Evan Vossen. La victoire va à l'affiche de Hubert Morin, mais par contre, a dû être remplacé après deux périodes. Lui, c'est Jonka qui est venu en collision avec sa tête, son casque a été pris entre le poteau et le corps de Jonka. Qui a donné un bon coup et même si Morin a fini la deuxième période n'était clairement plus mentalement là. Non, d'ailleurs, on a vu Tardif venir faire des échauffements pendant que la Zamboni passait au banc de son équipe. Donc, c'est lui qui a commencé la troisième période. Il a connu une très bonne troisième période. C'est en troisième période que les Pats ont été les plus... On a essayé les plus. Ouais, c'est ça, où on a essayé. Puis c'est un peu là où... Disons que la troisième période a été quand même relativement, je vais dire, dominée, là, mais... c'est peut-être un peu fort comme mot, mais par les Patriots. Et justement, à chaque fois, ben Tardif s'est dressé et a empêché les Pats de revenir de l'arrière. Blanchard de son côté, lui, que... Ben, je trouvais qu'il y avait eu un match correct. Oui, mais bon, oui, c'est un match correct. Faites quelques gros arrêts. Forcément, si tu perds 4-0, c'est pas nécessairement de la faute du gardien. Parce que je voyais quand même 36 lancés. Il y a eu un match correct. Moi, je trouvais que c'était un match... Je trouvais que c'était son meilleur match depuis quelques jours, quelques semaines peut-être mais même. Quand même, match correct, mais les buts qui ont été accordés n'étaient peut-être pas nécessairement bien placés dans son filet. Entre autres, le premier but là, qui était un retour de lancer juste d'une main, Guillaume Doucet qui glisse la rondelle à côté de Jean-Christophe Blanchard qui venait de faire le premier arrêt, puis contrôle mal son rebond. C'était peut-être la dernière chance là, qu'on donnait à Jean-Christophe Blanchard avant, selon moi, de donner le filet à Vincent Lamontagne. Donc, on verra dans les prochains matchs. Et donc, justement, écoute, je me suis entretenu avec Jacques Laporte après le match. On va aller écouter les questions et j'y ai parlé de Jean-Christophe Blanchard. Donc, on va aller écouter ce qu'il avait à dire sur le sujet. Charles, ce soir, on peut te dire que c'est juste les effectifs d'un côté comme l'autre qui sont venus décider la game au niveau des forces en présence? Ça l'aide pas, tu sais. On a trois lignes qu'on peut utiliser, puis là-dessus, il y a des gars qui étaient à bout de souffle. Fait que, tu sais, à un moment donné, on se regardait sur le banc, les coachs, puis on savait plus qui utiliser ou qui ne plus utiliser, là, parce que vraiment, là, on manque de jus, là. C'est clair, tu sais. C'est les défenseurs pensent ce qu'ils peuvent, mais là, si on va à cinq, tu sais, il y a des punitions là-dessus. Ça veut dire qu'à un moment donné, on surtaxe les mêmes gars. Puis à chaque fois qu'on a une chance, c'est dur d'acheter un but, c'est incite. Puis à chaque fois que l'équipe adverse a une chance, ben il y a la crise dedans. Fait que c'est plate à dire, mais regarde, c'est ça, le résultat. Jean-Christophe n'a pas grand-chose à se reprocher ce soir. On a un bon match quand même. Pour être meilleur. Il fait des beaux arrêts, mais ça nous prend plus que ça de la part d'un gardien. Tu sais... Parce que on a de la difficulté à acheter un but, donc dès qu'on accorde des buts faciles, c'est dur sur le moral des gars. C'est ça que oui, c'est à bonne voie là de se replomber, mais honnêtement, il faut avoir un Carey Price devant le net en forme si on veut. Puis c'est lui. En tout cas, on compte beaucoup sur lui si on veut avoir du succès, ça c'est sûr. Donc je pense que c'est officiel du côté de Jacques Laporte que. On ne semble plus... la confiance semble être ébranlée envers Jean-Christophe Blanchard, qui a été son pain et son beurre pendant la saison dernière, et même la saison d'avant, qui a vu à peu près toute l'action qu'un gardien pouvait voir sauf quelques matchs. Et donc, pas une victoire. De toute façon, McGill, je pense que c'est l'équipe à battre dans la Ligue présentement, avec peut-être Western de l'autre côté. Et... je suis pas très surpris qu'on l'ait échappé. Allons-y au match de samedi. C'était à Ottawa. Ça se déroulait à 7h face aux GGs. On sait la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées. Ça s'est terminé 6-1 en faveur d'Ottawa. Une dégelée totale. Et voyez-vous, dans cette partie-là, ça avait été Dominique Jalbert qui avait été l'homme à battre du côté d'Ottawa. Vraiment, qui avait connu un match. Le défenseur avait connu un match magnifique. Un but, trois passes. Et, ben écoutez, monsieur, Jalbert n'était pas en uniforme. Il n'était pas en uniforme parce que il est parti pour les Universiades, tout comme Francis Charland. Donc, ça en était un autre. Là. Du côté des Patriotes, là, manque beaucoup d'effectifs. Oui. Là. On peut les nommer, là. Demers, Boudreau, Bellefleur. Tous blessés. On a Fréchette qui est probablement aussi. Là, je parle de grosses blessures, probablement finies pour l'année ou du moins la saison pour tout le monde là-dedans. Francis Charland vient de décoller pour les Universiades, va probablement marquer deux matchs, c'est-à-dire les deux matchs de la fin de semaine prochaine, et ensuite va refaire son retour. Mais c'est une victoire de 6-2 en faveur des Patriotes. Victoire des Patriotes 6-2. La victoire qui va à l'affiche de Vincent Lamontagne, voilà. À qui on a donné le filet. Donc, Jean-Christophe Blanchard a-t-il perdu son filet? C'est la question qu'il faut se demander. Ben, à 6-2, il y a des grosses chances que ce soit pas lui qui soit dans le filet pour le prochain match. Il y a des grosses chances, en effet. 37 lancés en plus. C'est sûr que des lancés, c'est des lancés. On ne sait jamais exactement ce que ça peut donner. Ben, mais tu te mets à genoux, tu te relèves pareil. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, c'est un arrêt. Non, mais c'est ça pareil. Perspicace, Marc-Antoine. Ouais, c'est tiré haut. Ah, ben, tu lèves la main. Tu te fais passer au-dessus des épaules. Et savon. donc, les marqueurs, le sommaire, c'est tout d'abord Jeff Desjardins. Hey, c'est un match où est-ce que les joueurs d'énergie, les joueurs de troisième trio, quatrième trio et même cinquième trio dans le coin, dans le cas de Roy Vallière, ont été primordiales pour l'UQTR. Donc, le sommaire, Jeff Desjardins en première période et Guillaume Chicoine sont les deux marqueurs pour l'UQTR. En deuxième période, c'est Roy Vallière, justement, qui fait son premier de la saison, des aides à La Roche et les Vagues. Donc, quand je parlais de joueurs de troisième trio et quatrième trio, ça en est dans ce cas-là. Colin, du côté d'Ottawa, réplique à 14 minutes 45. Desjardins, son deuxième de la partie, son quatrième de la saison, des aides à Petit Donovan à 18-14. Et en troisième période, Luc Blain fait son 13e de la saison à 4 minutes 54. Mais une minute plus tard, c'est La Roche. La Roche, deux points. Marc-André La Roche qui est aussi... le troisième trio, lui, ce qu'on a vu souvent, Desjardins, Jonca et Laroche, c'est pas les gars qui vont aller chercher le plus de points, mais ça a bien été dans ce match-là, comme je disais. Les aides à Breton et Lessard. Et finalement, Belle Avance Martin à 18-4 qui vient faire son huitième de la saison. Des aides à Jonca et Breton. Donc, dans ce match, deux buts pour Desjardins, deux passes pour Lessard, deux passes Breton, deux passes Maxime Lévesque, deux passes pour le centre. Donc, lui, ça fait deux points. Il y en a neuf cette saison. Donc, c'est une bonne récolte de son côté. Et vraiment, les joueurs de soutien ont été primordiaux pour les Patriotes. Ça pourrait être un atout intéressant pour Jacques Laporte dans les prochains matchs, justement, ce troisième trio-là. On l'a vu aussi contre McGill dans les deux premières périodes. C'est le trio qui a été le plus menaçant. Donc, le plus fatigant aussi. Le plus fatigant, oui. Tu sais, que Hubert Morin se blesse, là, c'est parce que ça a pris quelqu'un pour aller au filet. Et dans ce cas-ci, c'était Jonca qui est une petite petit agitateur un peu là. J'ai juste le mot pas fin à dire là, mais qui est un agitateur, qui est un peu un Sean Avery, un peu là, si on veut, au niveau du type de joueur. Une petite peste. Merci, c'est le terme que je cherchais. Merci beaucoup, Philippe. Donc, qui est vraiment ça. Et si les gars peuvent se mettre à aller au filet. Travailler. On n'aura pas le choix de toute façon, là. C'est fini. On peut plus jouer le beau hockey de finesse que les Patriotes nous ont habitués à travers les années. On n'a plus le line-up pour faire ça. On n'a plus l'alignement pour faire ça. Ça va prendre une équipe de travailleurs qui vont bûcher puis qui vont jouer un jeu défensif assez de qualité pour l'emporter parce que là, présentement, au niveau du classement, c'est beaucoup plus serré. Et si on veut finir en deuxième position et espérer que les renforts soient de retour pour les séries, ça va le prendre. Donc, je me suis entretenu très brièvement avec Jacques Laporte hier par téléphone. Jacques qui était sur le plateau de Québec-Montréal. Donc, deux petites questions rapides. Je vous fais écouter ça. Ben, écoute, la montagne a fait la différence. Totalement, hein? Oui, ça a joué beaucoup là-dessus. OK, puis au niveau de tes joueurs de soutien, t'as quand même Desjardins, t'as Roy Vallière aussi qui ont eu des... Oui, ça des fait le prendre qui puisse performer comme ça. Tu as des chances de voir la montagne la semaine prochaine? Sûr. Bon, ben. Oui. Ça semble confirmé de la part de Jacques Laporte. Jean-Christophe Blanchard a perdu son filet en faveur de Vincent Lamontagne et je crois que c'est une excellente décision. Blanchard qui n'est plus l'ombre de lui-même, plus le gardien de but qu'on voyait dans les années précédentes. Et je pense que Lamontagne a assez rongé son frein. Je pense qu'il avait très hâte de sauter sur la surface glacée pour aller défendre les couleurs orange et verte. Et ça a paru. Victoire des Patriotes 6-2 contre Ottawa. Au niveau du classement des sports universitaires de l'Ontario, bon ben McGill toujours premier, on n'en parle même plus. UQTR deuxième, 31 points à égalité avec Nipissing au troisième rang à 31 points aussi, bien sûr. Et toutefois, Nipissing a un match d'avance sur les Pats. En quatrième position, c'est Carlton avec 28 points. On a donc 3 points d'avance sur Carlton qui ont toutefois un main en match sur les Pats. Concordia vient au cinquième rang avec 25 points et Ottawa en sixième position. Du côté de l'Ouest, c'est Western qui est toujours premier, 38 points. Donc, c'est Western et McGill et je crois que ça va être comme ça jusqu'au bout de la saison. Je vois mal une équipe venir défaire les McGill ou Western qui ont une défaite en temps régulier pour Western, aucune pour McGill. Allez, en voulez-vous de la performance? En voilà. Et donc c'est ça pour le classement. On va aller à la musique, on va aller écouter un petit peu d'Éric Panic avec la chanson Les Majeurs Fans de l'air. Au retour, on parle soccer des Patriotes, grosse fin de semaine, des grosses performances de la part des hommes et des femmes. Vous écoutez les conduits de partie sur C'est Fou! T'as les oreilles dorées, Éric Panic avec la chanson « Nos majeurs fans de l'air ». On continue, on va maintenant parler de soccer du côté des Patriotes. La saison de soccer intérieur se continue. Les filles avaient commencé la saison la semaine dernière en affrontant Bishop, une victoire. Et en fin de semaine, c'était beaucoup plus difficile comme défi. C'était contre l'UQAM et victoire des Patriotes 1-0. Félicitations à elles. 11 arrêts pour Isabelle Sénécal dans ce match. Attendez-vous à ce qu'elle reçoive le titre de Patriote de la semaine. Donc la défaite du côté de l'UQAM, les filles, ça va à l'affiche de Constance Laroche-Lefebvre. Donc au classement, les Patriotes sont premières présentement. 2 victoires en 2 matchs. 5 buts pour, 3 buts contre. Et devance Montréal, McGill et Concordia qui viennent à égalité au deuxième rang. Du côté des hommes, c'est affronté eux aussi l'UQAM. Bien sûr, on voyage ensemble. Et c'est eux aussi une victoire de 1-0. Donc le buteur dans ce match, j'avais oublié de dire, Jessica Lavallée a compté chez les filles. Chez les hommes, c'est Geoffroy Jouvin qui a été le héros du côté des Patriotes. Donc une autre victoire pour une victoire plutôt pour les Pats qui se retrouvent au ben au troisième rang parce qu'ils ont juste un match de disputé par rapport à 2 matchs pour Laval et McGill, mais on est toujours sans défaite. Donc ça va bien. J'espère vraiment que ça va se continuer du côté des hommes et des femmes parce que on a eu des saisons. Les hommes avaient une saison correcte. Dehors, les filles décevantes, mais pour l'instant ça part très bien. C'est très motivant pour eux. Félicitations. On va aller à une pause. Au retour, les nouvelles et on va aller en musique un petit peu. Après ça, ben. Vous êtes, ben, de toute façon, vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Très C'est fou dans vos oreilles. 89. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduite de partie.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Deux rencontres étaient disputées hier dans la NFL afin de déterminer les deux équipes qui s'affronteront pour la grande rencontre du Super Bowl le 6 février prochain au Cowboy Stadium. Tout d'abord, les Packers de Green Bay l'ont emporté 21-14 face aux Bears de Chicago et les Steelers de Pittsburgh ont vaincu les Jets de New York 24-19. Au golf, Jonathan Vegas a remporté la classique Bob Hope hier grâce à un roulé de 13 pieds en supplémentaire. Il s'agissait de sa première victoire sur le circuit de la PGA. Au tennis, le Canadien Milos Raonic a vu son parcours prendre fin hier face à l'Espagnol David Ferrer. Malgré la défaite, l'Ontarien est maintenant dans le top 100 de l'ATP. Dans la LAGMQ, le junior de Montréal a blanchi les Olympiques de Gatineau par la marque de 2-0. Dans la victoire, Louis Leblanc a récolté un but et une mention d'aide. Au Cap-Breton, les Tigres de Victoriaville ont emporté 4-1 contre le Screaming Eagle et les Sea Dogs de Saint-Jean ont vaincu les Remparts 4-2 hier au Colisée de Québec. À Québec, le président de Québécois, Pierre-Carl Péladeau, a confirmé les rumeurs selon lesquelles il serait prêt à investir dans le projet d'un nouvel amphithéâtre. Le montant serait de plusieurs dizaines de millions, mais Péladeau n'a pas voulu donner le montant exact de son engagement. Dans la Ligue nationale de hockey, les Devils ont remporté leur 4e gain de suite hier face aux Panthers de la Floride par un pointage de 5-2. De leur côté, les Flyers ont amassé 2 points à Chicago alors qu'ils affrontaient les Blackhawks. La partie s'est soldée par un pointage de 4-1. Sidney Crosby a confirmé son absence au match des Étoiles. Il ressentira encore des effets de sa commotion cérébrale. Evgeny Malkin pourrait aussi rater la rencontre, lui qui a été absent des 2 dernières parties des Pingouins en raison d'une blessure à un genou. Petite semaine pour le Canadien alors que les Tricolores affrontent les Flyers mardi. Pour l'occasion, Alpern pourrait être de retour d'Hamilton et Envis serait laissé de côté. Cette rencontre est la dernière avant la pause du match des Étoiles. Voilà, c'était vos informations sportives de l'inconduite de partie.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Shakespeare, the poetry I bring. poetry I bring, I sing. The poetry I bring, I sing as Shakespeare. Take the time, but maybe just a minute wouldn't hurt. Just a minute wouldn't hurt. Bonjour, je suis Michel Bonnivard, vous écoutez l'inconduite de partie. Et vous êtes de retour à l'inconduite de partie. Pour nous joindre en studio, c'est le live à commercial@inconduitedepartie.com. Et bien sûr, notre site web, le www.inconduitedepartie.com, chronique, opinion et beaucoup plus. Se joint à nous par téléphone, M. Jonathan Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice. Bonjour, Jonathan. Salut, gars. Ça va bien? Yes, sir. Oui, écoute, Jonathan, je lisais ton texte sur l'hebdo à propos du match entre les Cataractes et le Drakkar de Bécomo. Semble-t-il qu'on a vu deux équipes différentes durant cette partie-là? Oh, aïe, ça n'a pas été facile. Les Cataractes qui ont disputé, selon l'entraîneur-chef Éric Veilleux, leur meilleure première moitié de match de la saison. Et bon, on peut le croire, ils ont pris une avance de 4-0 et de 5-1 au cours de cette première moitié de match-là. Le Drakkar a été limité à seulement 9 lancés au but et par la suite, là, tout s'est effondré pour les Cataractes. Le Drakkar qui a lancé 30 fois en direction de Gabriel Girard et ça a tout pris là pour finalement l'emporter 6-4. Disons qu'on grattait le fond de tiroir en fin de match là pour trouver un peu de change pour réussir à sortir de Bécomo avec les deux points. Pourtant, Bécomo, c'est pas le type d'équipe qui est supposée te donner du fil à retordre? Non. Toutefois, c'est une équipe qui travaille fort. Le problème, c'est vraiment, sans vouloir être méchant, c'est un manque de talent là chez le Drakkar et même l'entraîneur-chef qui l'a mentionné en début de saison que lorsqu'il a accepté le poste, que ce serait pas facile, que ce serait un bon défi pour lui parce que sur papier, c'est quand même pas la meilleure équipe. Ensuite de ça, il y avait pas de système de jeu. Peu à peu, les choses se replacent pour le Drakkar. N'empêche que c'est pas facile là de leur côté. C'est une saison de misère encore une fois. Et puis reste à leur souhaiter que l'avenir soit plus rose pour eux. Mais bien souvent, ils perdent leur match justement par un ou deux buts. Donc, il manque pas grand-chose nécessairement chez le Drakkar. Toutefois, là, perdre une avance de 4 buts après 20 minutes, là, c'est inadmissible. L'arrivée de Mario Pouliot à la barre du Drakkar, à quel point tu penses que ça peut leur aider pour les années futures? Ben, c'est certain qu'on constate déjà une amélioration quand le Drakkar est venu en première fois cette saison et quand le Drakkar est revenu avec Mario Pouliot quelques semaines plus tard, il y avait une grosse amélioration. Faut dire la première fois qu'ils sont venus, c'était le premier match de Mario Pouliot à la barre de l'équipe, donc c'était son premier départ, il avait pas encore restauré son système de jeu, il se contentait pour l'instant là de voir un petit peu plus là quel genre de vestiaire il dirigeait. Et puis à sa deuxième visite, on constatait déjà une bonne amélioration dans le jeu de l'équipe. Et lui-même le dit là, pour cette année, bon, c'est certain qu'on devra oublier ça, mais le système de jeu qui s'implante peu à peu, les gars qui commencent à avoir une meilleure chimie, on a fait le ménage également, on a sorti les pommes pourries du vestiaire avec Pierrick Martel entre autres. Donc ça va un peu mieux du côté du Drakkar, là, mais c'est certain que c'est pas suffisant là, face à des équipes comme les Cataractes. Qu'est-ce qui se passait dans le cas de Martel pour que tu dises que c'était une pomme pourrie? Ben en fait, tout est une question de caractère. On l'a vu, entre autres, là, et ça a coulé dans les journaux là-bas. La première fois que Pierrick Martel a quitté la formation, il est revenu. Et apparemment que dans le vestiaire, lorsqu'il est revenu, l'entraîneur-chef a dit ceux qui ont encore le succès de l'équipe à cœur, ben restez. Finalement, lui, Martel, qui aurait décidé de quitter. Par la suite, ce sont ses coéquipiers là qui auraient dit, écoute, si tu veux pas mettre l'épaule à la roue avec nous, ben retourne à la maison. Et finalement, c'est ce qui s'est produit la deuxième fois. Et Martel s'est joint dans le Junior 3A et n'a jamais voulu revenir dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. On l'a échangé aux Olympiques de Gatineau et lui a décidé de rester à la maison, ne voulait plus faire les sacrifices nécessaires pour jouer dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Et je dis pas que c'est pas correct non plus. Toutefois, là, lorsque lui a mentionné à ses coéquipiers qu'il n'avait plus le désir justement d'apporter tous ces efforts-là, ben, on lui a indiqué la sortie. Du côté du Drakkar, penses-tu qu'on a des chances d'accéder aux séries? Je sais qu'on est à 6 points des Screaming Eagles de Cap-Breton. Ben, c'est certain que rien n'est impossible. Là, il reste encore plusieurs matchs à disputer. Toutefois, je pense que Cap-Breton a quand même une meilleure formation là que le Drakkar de Bécomo. Si jamais ils accèdent aux séries éliminatoires, ce serait vraiment une remontée spectaculaire. Le Drakkar, bien que les chances de passer la première ronde vont être à peu près nulles, d'accéder aux séries, ce serait quand même tout un exploit compte tenu du début de saison qu'ils ont eu. On parle quand même de 20 défaites consécutives en début de saison. C'est pas évident là de remonter la pente à la suite de tout ça. Alors, tant mieux et chapeau à Mario Pouliot, s'il parvient à amener son équipe en séries éliminatoires. Il reste encore plusieurs matchs pour justement revenir de l'arrière, mais 6 points à l'heure où on se parle, c'est quand même un écart qui se creuse et un écart qui commence à être important là. Du côté, par contre, on espère peut-être pas faire les séries et être dans le bouillier pour le derby Nathan MacKinnon. Ah ben ça c'est certain. Et puis les Eagles aussi là, leur choix qui pourrait être payant. On se souviendra que le choix appartenait aux Cataractes. Ouais. Ils l'ont échangé à Rimouski dans l'échange de Ryan Kavanagh. Alors pour l'Océanique de Rimouski, c'est certain qu'ils doivent se croiser les doigts, espérer justement que le Drakkar remonte de quelques positions et que justement là, les Screaming Eagles soient exclus des séries pour se retrouver dans le bouillier, pour espérer justement là, de remporter cette course-là et après Crosby, d'avoir le Crosby version 2.0 à nouveau à Rimouski là. Du côté des, on va revenir aux Cataractes là parce qu'on parle beaucoup du Drakkar, mais du côté des Cataractes, dans ce match-là, Jean-François Plante a été solide. Oui, ben en fait, il y a eu une petite rencontre avec Éric Veilleux après le match de vendredi. Ça a vraiment pas bien été dans son cas vendredi soir. Alors Éric Veilleux qui l'a rencontré après le match et puis il a bien répondu vendredi avec deux buts. Donc Éric Veilleux qui avait des bonnes félicitations à lui faire, tout comme au défenseur Mathieu Gagnon qui a été utilisé à l'attaque, a bien fait aussi. Alors dans l'ensemble, là, ça a été quand même un bon match pour plusieurs des joueurs. Yannick Veilleux, un but, deux passes, trois points, il a été le meilleur dans la victoire. Tommy Giroux, Plante, Bournival, Schlum, Sakaris ont tous obtenu deux points aussi. Alors, point de vue productivité, là, ça a été un bon match. Lorsqu'on a posé la question à Éric Veilleux, est-ce que le coach est content d'avoir pris une avance de 4-0 et de gagner le match, ou au contraire, le coach est déçu d'avoir bien failli perdre cette avance-là, n'a pas voulu se prononcer. Donc, des sentiments partagés dans cette victoire-là, chose certaine, ils vont prendre ces deux points-là, ils vont le mettre en banque et puis essayer de passer rapidement à autre chose. Jonathan, les Cataractes étaient en action la veille, c'était du côté de Chicoutimi. Il y a quelques semaines, tu nous parlais de Peter Sakaris, qui était, tant qu'à toi, la meilleure acquisition de l'équipe durant le temps des fêtes. C'est lui qui a le but gagnant dans ce match-là. Parle-nous un peu de son apport jusqu'à maintenant, là, à quel point M. Veilleux est content de lui. Ah ben c'est certain que c'est une très grosse acquisition. Sakaris, tu l'as dit, but gagnant vendredi. À nouveau, deux mentions d'aide samedi. Donc, il noircit, il a fait le pointage à répétition à chacun des matchs. Rendu à 11 points, là. Pardon? 11 points à 10 matchs, de son côté. Oui, ben c'est ça. Et puis, écoutez, c'est nouveau pour lui, la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et déjà, souvent, on dit, lorsqu'un joueur arrive, il a besoin d'une période de transition. Il y a un passage à vide où la production n'est pas trop là. Et finalement, ça se replace. Dans son cas, sa période d'adaptation, c'est 11 points en 10 matchs. Alors, il n'y a pas réellement de souci de ce côté-là. Ça va être beau quand il va être adapté. Oui, ben c'est ça. Là. Fait que, peut-être remarque bien là, que ça sera sa production en général, mais n'empêche là, que c'est incroyable l'apport de Peter Sakaris. On voit que c'est un joueur qui est très talentueux. Malgré son petit gabarit, il n'hésite pas à aller se mettre le nez dans l'action, dans les coins, en de bonnes mains, un bon lancer. Donc, c'est un joueur complet et puis je pense que c'est pour ça là, qu'il est en train de séduire vraiment là, le public des Cataractes. Et du côté de l'équipe de la Cité de l'énergie, on se dirige vers l'Abitibi cette semaine. Deux matchs contre Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Est-ce qu'on vient avec deux victoires ou... Ben, ce sera à voir, chose certaine, sur papier à nouveau, là, les Cataractes qui ont une meilleure formation que les Huskies, aucun doute là-dessus. Puis les Foreurs, bon, c'est toute une question de blessure. Toutefois, là, on se souviendra que les dernières fois, les Cataractes sont venus à bout des Foreurs sans trop de difficultés. Donc, bien hâte de voir là, ce que ça donnera de ce côté-là. Je vais aller aux sources aujourd'hui à savoir si Marc-Antoine Goyette sera en mesure d'accompagner l'équipe. Il a subi une blessure au haut du corps vendredi à Chicoutimi. Alors, on verra aujourd'hui s'il sera de l'entraînement. Et j'imagine qu'on va pouvoir avoir cette nouvelle-là sur l'hebdo de Saint-Maurice? Bien entendu, on s'entretient avec Éric Veilleux aujourd'hui. Et puis, ça devrait être en ligne d'ici la fin de la journée. Bien, je te remercie beaucoup, Jonathan. Salut. Passez ma journée. Toi aussi, bye. Au revoir. Donc, Jonathan Roberge de l'hebdo de Saint-Maurice.com. N'hésitez pas à consulter le site pour toutes vos nouvelles sur les Cataractes de Shawinigan et le hockey de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Justement, on va continuer avec quelques petites nouvelles de cette ligue. Bon, on parlait des deux victoires des Cataractes. Au niveau du classement, pour savoir où sont les représentants de Shawinigan, ils sont au 8e rang, donc en plein milieu de classement du côté des Cataractes. Toutefois, on est à 5 points des Maniacs de l'Ouestin, mais on a 4 matchs en main, donc une possibilité de 8 points. On s'en va en Abitibi contre deux équipes qui ont quelques problèmes, c'est-à-dire Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Je pense qu'on a une bonne chance de remonter l'Ouestin et de venir chauffer même Gatineau qui est au 6e rang. Ça va bien pour les Cataractes, ça va bien. Et vraiment, quand je vois la part de Sakaris qui est arrivé de nulle part durant le temps des fêtes et qui domine comme ça, j'ai très hâte de voir l'an prochain ce que ça va donner quand tout le monde va être à maturité du côté des Cataractes. Si on n'obtient pas la Coupe Memorial, on va tout de même être toute une équipe qui va avoir des chances solides de se rendre au tournoi printanier. Donc, du côté des Cataractes, même, on va faire une petite promotion parce qu'on veut attiser les décideurs, ceux qui vont décider la Coupe Memorial. Ça va être le 10 février 2011, bien sûr, oui. Hein, félicitations, Nicolas. ça va être le 10 février 2011 à 19h, c'est-à-dire que les voltigeurs de Drummondville sont en ville du côté des Cataractes et on demande aux partisans de s'habiller en jaune. Pour vraiment créer une vague jaune, ça se dit mal, là, mais une vague pour montrer au comité décideur que, regardez, on veut la coupe, on va la prendre, puis bon, bien sûr, on a choisi un bon match aussi, genre, il y a tout le temps des gens qui vont se déplacer, on sait que la rivalité entre les deux équipes est quand même solide, donc ça va être très intéressant à voir, là, cette marée jaune pour la Coupe Memorial. Donc, deux autres petites nouvelles à propos de la Ligue. Tout d'abord, je vais vous parler des matchs de Drummondville ou Victoriaville, les gens de la région qui captent nos ondes. Ils étaient en action du côté des Voltigeurs de Drummondville. Ils affrontaient les Huskies de Rouyn-Noranda qui affrontaient les Voltigeurs. C'était une victoire de 3-2 des Voltigeurs. Les buts dans cette victoire pour Drummondville, c'est Jean-Philippe Mathieu, André Chpalat, deux fois. Et la deuxième fois, c'était en prolongation alors qu'il ne restait qu'une seconde au match, donc assez dramatique. Merci. C'est dommage pour Rouyn-Noranda qui avait quand même pris une avance de 2-0, mais qui n'ont pas pu la garder. La victoire dans ce match va à l'affiche de Guillaume Nadeau du côté de Drummondville. Et maintenant, du côté de Victoriaville, ils étaient en action hier soir. C'était contre les Screaming Eagles du Cap-Breton. Domination totale des Tigres dans ce match. 45-17, les Tigres. Facile. Et c'est une victoire de 4-1 des Tigres. Les marqueurs du côté des Victoriavillois, du côté des Bois-Francs. Bois-Francs, Philippe, t'es-tu bon en géographie? J'en ai aucune espèce d'idée. C'est bon. L'autre bord, là, du fleuve, Rive-Sud. Moi, mais Bois-Franc, c'est-tu Victo? Ou c'est Victo et Drummond qui est inclus là-dedans? Ou ça, c'est le centre du Québec complet? Continue, je vais te chercher ça. Merci. Parce qu'on disait Mauricie-Bois-Franc à l'époque. À l'époque où la Mauricie descendait, cette région, la région administrative descendait de l'autre côté du fleuve. On disait pas Mauricie-Centre du Québec à l'époque? Avant ça. Mauricie-Bois-Franc. Ah, ben là, avant ça... Ben là, je te remonte pas à l'époque de Duplessis là, non plus. Non, ben là, je sais pas. Continue ta chronique, je vais... Donc, les marqueurs du côté de Victoriaville, c'est Guillaume Goulet en première période, Yannick Dubé en deuxième et en troisième période, encore Guillaume Goulet pour son deuxième du match, 22e de la saison, et Yannick Gourde dans un filet désert pour son 20e de la saison. Les trois étoiles, Guillaume Goulet, Andrew Hayes du côté des Screaming Eagles et Philippe Maillet. Il y avait 2531 personnes à ce match disputé hier. La victoire va à l'affiche, bien sûr, de Antonio Mastropietro, l'excellent gardien du côté des Tigres, qui n'a toutefois pas été très, très occupé là, avec seulement 17 lancés. Pas trop difficile. On parlait du classement tantôt, mais on va y revenir. Du côté de Drummondville, on est au quatrième rang et on est à 3 points des Remparts de Québec. Toutefois, les Remparts qui se sont inclinés hier contre les Sea Dogs de St. John's, donc c'était une rencontre au sommet du côté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. L'équipe en première et l'équipe en deuxième position s'affrontaient. Et les Sea Dogs l'ont emporté hier. Donc, une belle victoire de la part des Sea Dogs qui montre bon, que tu as un peu de caractère. C'est une victoire de 4-2 du côté des représentants des Maritimes. Donc, les Sea Dogs premiers, 79 points. Le Junior de Montréal, deuxième avec 73. Et les Remparts avec 71 points en troisième. Viens maintenant les Voltigeurs de Drummondville au quatrième rang. Et pour ce qui est de Victoriaville, on est au neuvième rang. Par contre, on est à 3 points des Cataractes de Shawinigan qui sont en avant d'eux, mais on a 4 matchs en main du côté de Victoriaville. Donc, t'as-tu ma réponse, toi? Ou? Ben, je s'en viens. Là. Laisse faire. C'est Internet qui nous retarde évolution. Tu vas blâmer les Internets, là. Ben, je vais blâmer les Internets. En fait, je blâme pas les Internets, je blâme le pitreretoskiaté. C'est ça? Non, mais la piètre performance du réseau Internet universitaire trifluvien. Oh. Voilà, c'est dit. Mais c'est pas trifluvien. Oui, OK, non, ouais, c'est bon. Universitaire. Ouais, c'est bon. Déclaration choc. Oh, oui. Ben, écoute, hey, on surprange quelqu'un ce matin. On brasse du stock à matin, toi, hey. Ouh. Retiens-toi, Philippe. Philippe Retiens-toi. Est en beau fusil. Ouh. Tiens, inside, vous êtes-vous regardé pendant que j'avais la tête ailleurs? Pas j'ai pas compris, OK. Non, on trouvait juste que tu chiolais pour rien. Donc, on s'en va en musique. On va aller écouter la chanson Enfant spécial du groupe Radio. Et au retour, inacceptable. Philippe nous parle de soccer à Bougonnant. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est fou. Moi je suis un enfant spécial avec des pensées régales qui joue dans des festivals. Nakimo, Nakishego, Akistin Fima, vraiment cheese que t'es. Dis ta vie drôle, pour le fun, veux-tu en discuter? Ton psychiatre a prescription pleine de ritaline, halogène ou valium, des enfants spéciaux avec des pensées spéciaux. Hello, schizo multitask, il faut que tu pick up the check. Avec une face comme ce set, au moins ma mère trouve ça cute. I m'aimerais mieux si je ferais mute. Au lieu de mutiler des mots, je pourrais faire un TV show des enfants spéciaux. spécial, on est des enfants spécial. Akimushi, Akimushi, Mushi, un enfant spécial. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spécial. Akimushi, Akimushi, toi t'es un enfant spécial. C'est pas notre faute, c'est pas notre faute, c'est même la terre nous en fait. So why no work, c'est que je t'invite. Akimushi, Akimushi, Akimushi, Akimushi, ma Akimushi, pour que tu ne sois ben c'est rien que des histoires. J'encontre rien, t'encontre rien, pis j'irai danser dans le noir. Jusque tout ce que tu vois et point vraiment là. Ma échec, tu sais, parce que je sais que t'es spécial comme ça. T'es un enfant spécial, j't'aime bien jusqu'à là. C'est pas ma faute, c'est pas ta faute, ma jeune enfant de l'état. Ma Akimushi, pour dire tout ça, c'est vrai. Pis j'en fous qu'on n'est pas là, pis j'en bon point jusqu'à là, là, là, là, la place qu'il faut aller pour trouver back, c'est ce lien. J'ai dit fun, ça fait trois ans que j'm'en pointe du pied. Un enfant spécial, on est des enfants spécial. Makimushi, Makimushi, Mushi, un enfant spécial. Mushi, un enfant spécial, on est des enfants spécial. Makimushi, Makimushi, toi t'es un enfant spécial. Ouais, j'suis un singe, j'suis un roi, j'suis un coureur de bois. J'suis un capitaine d'un bateau, j'suis Jésus sur la croix. J'suis un homme, j'suis une femme, j'suis un grand-père, pas bébé. J'suis un enfant spécial, c'est ça que ma mère m'a pété. J'suis millions d'affaires qui se promènent pendant des millions d'années. La poussière de lundi m'arrive chaque année en soleil. J'suis un pauvre, j'suis un riche, j'suis un rougier d'un caniche. J'suis un clean cut, bref un hippie avec une barbiche. Y'a toi pis moi, moi j'suis toi, on est deux petits chinois. 100% du temps on est mille fois plus qu'on croit. Et j'tombe d'une planète à l'autre, toujours après de me moquer de l'énergie qui déborde. Moi j'm'en laisse m'emporter. J'suis un enfant spécial, on est des enfants spécial. Makimushi, Makimushi, j'suis un enfant spécial. J'suis un enfant spécial, on est des enfants spécial. Makimushi, Makimushi, toi t'es un enfant spécial. J'suis un enfant spécial, on est des enfants spécial. Makimushi, Makimushi, Mushi, un enfant spécial. Mushi, un enfant spécial, on est des enfants spécial. Makimushi, Makimushi, toi t'es un enfant spécial. C'est fou dans vos oreilles. 89. La rivière, le 16e. Oh, attention! Oh, oui. Oh. Birdie! Incroyable! Renversant, superbe! C'est un, dans son cas là, c'est un 5e consécutif. Un 7e pour l'équipe. Incroyable. L'un conduit de partie. Regardez sa réaction. Il n'en revient pas. Et vous êtes à l'écoute de la conduite de partie sur les ondes de C'est fou. C'était rapide, hein, ça? Ben oui, toi. Ben, j'étais sur le... Ben, entrée en matière. J'étais comme sur le lime à Serge Lemings qui m'a amené... qu'on avec, a vu d'ailleurs... Avec toute son énergie. Qu'on a vu d'ailleurs vendredi. Oui, ben moi, je vais souvent à Serge, honnêtement. Ouais, ouais. Ouais, non, on sait bien que tu vas souper chez eux. Ben, dis, quand t'es de la bourgeoisie... Écoute, hein, ma petite droite caviar préférée, toi. Donc, ma petite droite caviar. Quelle attaque gratuite. Ah, ben écoute, hein. Je t'en avais pas fait encore un matin. J'aime même pas non, ça, le caviar. Ah, tu vas voir, ça se développe. Je suis une droite Molson X, moi. Donc, Philippe, pendant que tu continues à bougonner, comment tu parle-nous du monde du foot. Ouais, ben en fait, comme on l'avait dit lundi dernier, on va s'attarder plus précisément sur la Champions League dans les prochaines semaines, vu que justement la ronde des 16 va commencer. Donc en fait, quelques petites nouvelles en rafale là, qui sont sorties ce week-end, samedi 22 janvier. On apprenait que Jeffrey sera encore absent. Donc la saison difficile de Jeffrey se poursuit au FC Barcelone. L'attaquant rentrera au moins les huitièmes de finale aller de l'UEFA Champions League en raison d'une blessure à la cuisse du côté de l'Olympique de Marseille. C'est Valbuena qui est blessé au genou et qui risque donc l'OM qui risque de rencontrer Manchester United le mois prochain sans son meneur de jeu qui s'est blessé également au genou. À l'entraînement, Emmanuelsson renforce l'AC Milan. L'AC Milan se félicite de la venue d'Urbi Emmanuelsson en provenance de l'AFC Ajax. C'est le joueur dont nous avions besoin, a déclaré Adriano Galliani, vice-président du club italien. Est-ce que la zone de transfert est terminée dans la période de transfert? Je te reviendrai avec cette information. Ouais, c'est ça. Fouille et toi, reviens-moi avec cette information. Je pourrais pas te répondre de cette façon aussi rapide et efficace. Donc, Gomez garde les pieds sur terre. Mario Gomez insiste. Il ne fait que son travail en marquant pour le Bayern. Le buteur a porté son total à 23 réalisations en 26 matchs grâce à un nouveau coup du chapeau. Donc, ça va très bien pour Gomez de ce côté-là. On va faire un petit tour des équipes. Donc, premier tour d'horizon, c'est Valence, c'est l'équipe espagnole qui, en ce moment, dans la Ligue espagnole, est au quatrième rang. Donc, ça va plutôt bien pour Valence. A gagné son dernier match contre Malaga 4-3. Affrontera le Racing à 21h ce soir. Et là, demande-moi pas, est-ce que c'est 21h, heure d'Italie, d'ici, de là-bas, de où ce qu'il faudrait? J'en ai aucune espèce d'idée. Ben, donc, c'est logiquement 21h là-bas, là. 21h ouais, là-bas. Non, c'est ça. À moins que ça soit un match d'après-midi. Ce prochain match, coup d'envoi 21h. Non, parce que t'es à 6h de plus. Ouais, mais j'écoute. Non, mais t'es à 6 heures de plus, donc automatiquement, ouais. Le match ici serait l'après-midi et non pas à 21h. Mm-hmm. 21h veut dire qu'il serait disputé à 4h du matin à peu près, mm-hmm. Ce qui serait ridicule. Effectivement, donc forcément à l'heure de là-bas. Mais 21h, c'est tard pour commencer un match, il me semble. Oui, mais c'est peut-être également l'heure internationale, l'heure du méridien, en fait, qu'on nous donne, vu que c'est les statistiques de la Champions League. T'as pas fait ta recherche là-dessus, toi? Pas là-dessus, non. Sur tout le reste, oui, mais là-dessus, non. Donc, prochaine fois que je te donne une statistique sur les heures, ça restera là. Du côté du club allemand FC Schalke, qui également est en huitième de finale, ça va un peu moins bien pour Schalke. En fait, je dirais même que ça va pas bien du tout. Ils sont au dixième rang, viennent de monter au dixième rang dans la Bundesliga allemande. Et dernier match, une défaite de 1-0 contre Hanover samedi dernier. T'as la réponse? Philippe, j'ai la réponse à la question de tantôt. Donc, quelle est la période de transfert, la fenêtre de transfert, de quelle date à quelle date que ça s'étend? Du côté de l'Angleterre, qui est la ligue qu'on connaît le plus, la fenêtre de transfert de milieu de saison, c'est entre le 1er janvier et le 2 février. Donc, on est pile dedans. C'est la même chose en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, tout ça. Bon, il y a juste, les différences qu'on va retrouver. C'est les ligues d'été. C'est-à-dire que Canada, les États-Unis, c'est entre juillet et août. La MLS, tout ça. Mm-hmm. Et donc, c'est ça. Puis sinon, ben, y a bien sûr la fenêtre d'entre-saison aussi qui existe. Qui ça est selon les ligues aussi. D'accord. Ça fait plaisir. Ce fut fort pertinent. On t'en remercie infiniment. Compris. Non, mais ça veut juste dire qu'il peut y avoir quelques bons transferts qui peuvent se faire pour les équipes qui sont dans la Ligue des champions. Ben oui, tout à fait. On est encore en possibilité de s'améliorer. Mm-hmm. Tout à fait. Autre équipe qui participera au huitième de finale de la Champions League, il s'agit d'Arsenal, l'équipe anglaise qui a fait un bond dans la Barclay League, dans la première ligue. On sait, la semaine dernière, on discutait justement Manchester City qui avait obtenu le deuxième rang. Mais Arsenal vient de leur ravir le deuxième rang grâce à une victoire contre Wigan 3-0 samedi dernier. Le prochain match demain soir contre Everton. Ça risque d'être un match très important également. Everton qui est 13e au classement de la Première Ligue, donc Arsenal devrait techniquement l'emporter et peut menacer justement Manchester United en tête du classement. Du côté de l'Espagne, on retourne en Espagne, c'est le FC Barcelone dont on discute en ce moment. Toujours en tête de la Ligue espagnole, FC Barcelone avec 55 points en 20 matchs. Une victoire, fort d'une victoire, 3-0 contre le Racing samedi dernier. Et le prochain match, contre Hercules, en tout cas, bon, eux, à 20h, heure de où Nico nous dira. Ensuite, petit bond en Italie, on s'en va voir l'AS Roma, qui, elle, va très, très bien également dans la Serie A italienne, au troisième rang. Donc, vient de dépasser le SS Lazio au troisième rang, avec une récolte totale de 38 points en 21 matchs. Une victoire contre le Cagliari ce week-end 22 et le prochain match dimanche prochain. Donc quand même une longue pause dans la Ligue italienne. Le prochain match dimanche contre Bologna à 15h également, heure d'où Nico nous dira. Petit bond du côté de l'Ukraine. Shakhtar Donetsk qui fait une entrée dans la Ligue de champions. est en première ligue ukrainienne, Shakhtar Donetsk, qui domine avec 52 points devant le Dynamo de Kiev, qui est également l'autre équipe qu'on voit fréquemment là, en ouais, Ligue des Champions. Ça, je m'en dis, la Ligue d'Ukraine ne doit pas être d'un calibre très élevé. Non, mais ben, en fait, c'est généralement, c'est ça. C'est les deux clubs qu'on voit, soit le Shakhtar Donetsk ou le Dynamo de Kiev, qui entrent en Ligue des Champions. Également, pour l'année prochaine, ça risque d'être la même chose. Là, Donetsk, qui encore est au sommet du classement et a remporté son dernier match contre l'Arsenal de Kiev 4-0. C'était hier. Prochain match contre Sévastopol, samedi 5 mars. Donc, entre-temps, dans cette ligue-là, on va avoir affronté justement le match de la Champions League. On monte un peu au nord, on s'en va au Danemark, le FC Copenhague qui également est au sommet de son classement là, sans nullement être menacé. La Super League danoise, le FC Copenhague domine avec 51 points, le plus proche menaçant est Odense avec 32 points. Donc également une victoire la dernière fois qu'ils ont joué c'était au mois de décembre, et une victoire contre Esbjerg 3-1. Prochain match en mars, donc pour eux également la saison est en suspens. C'est la Champions League qui prime. On retourne en Angleterre, Chelsea maintenant, dont on parlait également la semaine dernière, qui elle est restée au quatrième rang, donc après avoir fait un début de saison incroyable, Chelsea qui glisse tranquillement mais sûrement au classement, 38 points en 22 matchs. Chelsea qui a vaincu Blackburn 2-0, c'était le match qui était disputé qui était diffusé sur les ondes d'RDS le week-end dernier, donc pas celui qu'on vient de passer, l'autre d'avant. Okay. Donc belle victoire du côté de Chelsea, 2-0, affronte Bolton ce soir. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Et tu as reçu un message, Nicolas. Petit saut en France, où l'Olympique Lyonnais est présentement quatrième dans la Ligue 1. Donc, au niveau du classement, là, en France, ça ne bouge pas. L'Olympique Lyonnais qui a battu Lorient 3-0 samedi dernier. Un match qui était également présenté à la télévision de TV5 Monde. Prochain match contre les Valenciennes, samedi prochain, 29 janvier. Ensuite, on se réchauffe, on s'en va en Espagne, le Real Madrid, un de mes deux clubs préférés. C'est bienvenu à matin. Ouais, c'est effectivement. J'aime ton lien. Popé. Real Madrid qui est au deuxième rang. Et pendant que je reçois les applaudissements de Nicolas, Real Madrid qui affronterait Mallorca hier, c'est une victoire de 1-0. Prochain match, dimanche prochain contre Osasuna. Et le Real Madrid qui devrait justement là continuer de conforter son avance sur la troisième position détenue par le Villarreal. Donc, du côté de la Liga espagnole, on s'enligne encore pour une domination du FC Barcelone et du Real Madrid en tête de classement. On retourne en France. C'est l'OM, l'Olympique de Marseille, qui, elle, est au cinquième rang, tout juste derrière l'Olympique lyonnais dont on vient de parler, 2 points derrière seulement. Dernier match contre affrontait les Girondins de Bordeaux dimanche dernier. Victoire de 2-1. Prochain match contre Monaco dimanche prochain, donc un match entre l'OM et la Principauté. Une des équipes préférées d'environ tout le monde, Manchester United, l'équipe anglaise qui trône également au sommet de la Première Ligue, menacée toutefois par Arsenal et par Manchester City. Dernier match contre Birmingham, écoute, une victoire écrasante de 5-0 contre Birmingham. Vraiment, Manchester United qui de plus en plus s'établit comme l'équipe qui sera à battre pour la fin de la saison dans la Première Ligue. Prochain match contre Blackpool. Et ensuite, on retourne en Italie, c'est l'Inter de Milan, dont j'ai un chandail également. Ma copine m'a acheté un chandail, m'a gagné le chandail de l'Inter de Milan il y a de cela déjà quelques mois. Puis, magnifique chandail, vraiment, là, très, très content. Et je la remercie, l'Inter de Milan qui a dépassé la Juventus ce week-end au classement. Et tout pour en avoir un autre, hein? Ben, écoute, ouais. Pourquoi pas? En battant dimanche dernier, Udinese 3-1, prochain match de l'Inter contre le Palermo dimanche prochain. Et ensuite, le Bayern de Munich, l'équipe allemande qui, elle, va un peu moins bien dans son classement dans la Bundesliga. Toutefois, on a remonté au classement, là, on est rendu quatrième, on a dépassé le FSV Mainz, mais seulement par le total des buts. Donc, on est à égalité, très loin derrière le Borussia Dortmund qui risque de faire son entrée en Ligue des Champions également l'an prochain grâce à cette performance cette année. Bayern de Munich qui a remporté contre le Kaiserslautern 5-1 samedi dernier. Prochain match contre Bremen samedi prochain. AC Milan trône au sommet du classement avec 44 points de la Serie A italienne. Vraiment, l'AC Milan qui, euh, qui domine de ces temps-ci. Ouais. Un concurrent très intéressant pour la finale de la Champions League. Ça va rester à voir, mais on va en savoir plus dans les prochaines semaines, là, vers la fin du mois de février, mais ça va être intéressant. Philippe, à date, qui vois-tu comme finaliste, mettons, pour la Ligue des Champions? Ben, c'est un peu comme à l'accoutumée, là. Real Madrid, AC Milan, FC Barcelone ou Manchester United. Pas de surprise. Donc, non, pas de surprise à date. Généralement, les surprises arrivent après le match aller des huitièmes de finale. Donc, c'est là où tout se joue. Donc, on va pouvoir en parler et s'amuser un peu plus longuement. Dans les prochaines semaines, on sait que les prochains matchs ont lieu vers la mi-février. Donc, dernière équipe en liste, c'est Tottenham Hotspur dans la Ligue anglaise. Tottenham qui est présentement au cinquième rang, tout juste à égalité avec Chelsea, tout juste derrière grâce à un match en main du côté de Chelsea. Match nul du côté de Tottenham contre Newcastle samedi dernier, 1-1. Affrontera Blackburn mercredi 2 février. Donc voilà, c'est ce qui faisait le tour de la Champions League et des affrontements, des positionnements au classement du côté des équipes qui restent encore dans la Champions League. Ben, je te remercie beaucoup, Philippe. Hey, on va aller à la musique. On va aller écouter un petit peu de trois accords avec la chanson Yuri. Et au retour, on discute de hockey. On va toucher à la série Montréal-Québec, nos impressions. Mmh. Ouais, Yuri. Yuri. Mmh. Yuri. Tu connais pas Yuri? Non. C'est ce qui se passe. Qui est-ce que j'ai écouté? J'aime le nom. Mauvaise discipline. Yuri qui? Yuri Gagarin. C'est ça. On a notre Neil Armstrong, nous, qu'on connaît, mais du côté des Russes, c'est Yuri Gagarin qui est le premier dans l'espace. Donc, pourquoi on parle de Yuri Gagarin sur les ondes de Sport Encore ce matin? De Sport Encore. Oui! Beau lapsus, Tommy Auger, pense à moi, de l'inconduite de partie ce matin. On va arrêter de parler de n'importe quoi. On va aller à la musique au retour. On discute série Montréal-Québec et du cas Evgeny Nabokov dans la Ligue nationale. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est fou. Je me sens un peu plus au chaud quand les frimas collent. pourriez bien me dire ce que vous faites là? Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Vous êtes toujours à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Il est présentement à 10h18 et dehors, il fait un magnifique fret en maudit. On va maintenant parler, ben, se joindre tout d'abord avec nous par téléphone, JP Grenier. Ça va bien, JP? Ça va bien, les boys? Ah, ben hey, oui. JP, ben, bonjour! Bonjour, bonjour, bon matin. Bon matin. Tu me parlais de Yuri Gagarin, semble-t-il que ça fait 50 ans cette année? Ben oui, le 12 avril 1961, ça va faire 50 ans que monsieur aura mis les pieds dans l'espace, donc... Il n'est pas vraiment mis les pieds, hein? C'est un jeu de mots, là, mais... Il oui, flotté écoute, les pieds dans l'espace. Ouais, il aura franchi le seuil... De l'atmosphère. Exactement. Terrestre. Écoute, ouais. À deux, on va y arriver. Oh ouais, on va arriver à de quoi éventuellement, là? Mm-hmm. Tu peux pas être mauvais de même tout le long de l'émission, là. Il nous reste 40 minutes pour rehausser le niveau. De toute façon, toi, JP, t'es historien, fait que c'est le genre de choses qui te passionnent. Exactement, j'ai trop bien aimé en plus, là, touché à l'espace, donc écoute, c'est non, un bel anniversaire cette année. Là, T'es tellement un rêveur. En plus qu'aujourd'hui, il fait un froid sibérien. Oh! Oh! Oh! Ah, ben ouais. Oh! Ben, désolé tout le monde. Hey, on y va, on va parler de la série Montréal-Québec qui a débuté hier officiellement après 6 épisodes de préparation, de réchauffement, de choix de jackstrap et de formation d'équipe surtout. JP, vu que tu te joins à nous, là, t'es le plus récent arrivé dans le studio indirectement, là, c'est une image. Qu'est-ce que tu penses de la série? Ah, oh, que c'est excitant, hein? Aïe, aïe, aïe! Ouais? Aïe, aïe, on nous avait promis là, des flamèches cette année, aïe, aïe, que ce sera aïe, plus aïe. Excitant que jamais. Oh, mon Dieu! Non, mais ah! On a tenté, chez, du côté de Pierre-Carles, de rehausser le niveau d'excitation en annonçant le jour d'avant le premier match qu'il allait contribuer ouais. économiquement au Colisée de Québec. Ça, félicitations pour la passe. Hein, ça, oh, ouais, ça, vraiment, là, d'un cheap plug 2011. Non, mais outil de promotion intéressant, pareil, le Colisée Pepsi, tu sais. Quand tu veux promoter, comme dirait Régis, pas la bombe, mais l'évêque. Quand tu veux promoter ton événement, il n'y a pas mieux que de mettre des millions sur la table. Faire plaisir au public. Ben écoute, Pelado a tout à fait été un génie dans ce genre d'affaires-là et félicitations pour le timing là-dessus. Mais on va revenir à la série. Bon, j'ai fait l'effort, j'ai écouté le match hier. Du moins une bonne... Il y avait du football hier, Nick. Non, non, j'ai une bonne partie du match. OK, là, okay pas tout. J'ai peur. Pas tout en pot. Le calibre est plus fort, ça se voit. Ouais. J'ai l'impression d'écouter un match... ça se rapproche un peu junior majeur à Vox TV, mais avec des filles puis des filles puis des vieux là, des gens plus âgés là. Mais quand même, accrochez-vous. Y a-tu des risques que vous accrochez, monsieur, en tant que vrai fan de hockey? Ben, il y avait des risques avant de jouer Marc-Claude à embarquer sur la glace pour annoncer. Marc-Claude Savard? Ouais, pour annoncer les joueurs du match. Ça faisait un peu trop chaud télévisé. Ça avait l'air d'une partie de hockey, peut-être avant que. Qu'elle débarque sur le grand tapis. Avant qu'elle fasse son entrée. Ouais. C'est l'impression aussi, j'ai. Tu sais, je serais prête à écouter ça, mais moi, je trouve ça triste de voir 15 000 personnes dans le Colisée hier soir, mais qu'après ça, il y ait 200 personnes au Patriote. De voir du monde qui vont payer pour ces billets-là. C'est quoi le prix pour les billets? Sors-moi ça, Philippe, s'il te plaît. À demain. L'année passée, c'était gratuit. Ne passe pas celui-là cette non, année. Non, non, non, la billetterie c'est, est. La billetterie ouais, est. Je trouve ça plate de voir que, alors qu'il y a plusieurs équipes qui se font pas encourager, qui ont pas personne, là, tu réussis à mettre 15 000 places, 15 000 personnes dans des stands, dans les estrades pour rien. Je veux dire, c'est rien. Il y a pas de saison. C'est une série qui, honnêtement, veut rien dire, hein. Tu sais, je veux dire, Occupation Double, ils essayent de fourniquer ensemble. Il y a un but final, tu sais. Mais à Québec-Montréal, bon, ben, hey, c'est même pas de ta ville, je veux dire, la moitié des joueurs de Montréal viennent d'Ottawa ou de des environs. C'est même pas non plus, les dépiteurs seront pas dans les estrades à épier les gestes, les fesses et gestes des joueurs, non, là. Non. Au mieux, je veux dire, ils vont retourner jouer dans la Ligue nord-américaine après, là. On a même pris Mike Ouellet, qui était à Occupation Double l'an passé et qui maintenant est dans Québec-Montréal. Et... Là, les gars, attends, là, vous êtes pas surpris de celle-là? Là? Ben oui, mais je veux dire, l'art de continuer dans non, la même voie. C'est stagé depuis l'année passée qu'il va être dans Montréal-Québec. Là. Depuis qu'il a dit qu'il allait jouer au hockey, qu'il jouait au hockey, on savait qu'il allait se ramasser dans Montréal-Québec. Voyons, les gars, faites des liens. J'ai hâte de le voir dans Couture Extrême, l'autre télé-réalité de TVA. Là. Ah, qui est super bon avec la machine. Mais moi, j'accroche pas. Et je pense pas accrocher. C'est pas une question de calibre de jeu, c'est une question de l'enrobage à côté et du fait que je vois pas l'intérêt. Ben, moi, honnêtement, j'aime bien voir Patrice Brisebois derrière le banc. J'aime bien voir sa façon de diriger une équipe. Bob Hartley est pas capable. De toute façon, on comprend rien de ce qu'il dit. Ben moi, c'est le contraire. J'adore voir Bob Hartley derrière un banc. Pour Brisebois, j'ai pas encore fait une évaluation précise, là, fait que je pourrais pas te dire. Là. Mais Bob Hartley est un coach motivateur, un coach... Ouais, non, mais... Effectivement, t'as raison. Ça, j'y donne. Il est intéressant à entendre quand il motive ses joueurs. Mais es-tu capable de faire des phrases complètes? C'est incroyable. Mais là, Bob Hartley est ontarien aussi. Mais... Oui, tu vas me dire franco-ontarien, bébé. Qu'est-ce que ça change, ça? Ben, j'ai l'impression aussi que ce qui arrive est... C'est sûr que l'univers du hockey est généralement un monde anglophone. Donc là, de faire la transition, c'est peut-être plus difficile. Bob Hartley, la dernière fois qu'il évoluait au Québec pour entraîner, c'était dans le temps du Titan de Laval. OK, on remonte, là. On parle de 93. Après ça, il s'est en allé avec les As de Cornwall. Puis après, il a monté en Ligue nationale. Donc, depuis 94, c'est-à-dire depuis 16 ans, il évolue en anglais. Jusqu'à tout récemment, jusqu'à temps que les Thrashers d'Atlanta lui disent « Va-t'en ». Tu sais, j'ai comme eu la misère à siffler. Ça a pris trois coups. Puis encore là, c'était pas... Je dois avoir les lèvres gelées. Attends. OK, c'est mieux. T'es en train de perdre du temps? Oui. Donc... Mais j'aime Bob Hartley, je crois. Je l'ai. Vas-y. 7,50 par billet. C'est le prix d'une game junior majeure, là, pas loin, là. Pardon? C'est pas cher, là. Ouais, non, mais en effet. Tu vas voir quoi? Puis en fait, sur place, c'est 5$. T'as 2,50 de frais de billetterie si tu les achètes par... Ça me rappelle les expos, ça. Par Internet. Des billets à 5$, mais il y a 4,5$ de frais de livraison. Ouais. Mais tu sais, quand t'es acheté sur place, tu sais, il y a tout à des frais de billetterie ridicules, là. Non, mais écoute... Moi, ce que je trouve d'intéressant, c'est que c'est tout l'enrobage autour de ça. Pas l'enrobage, je veux dire, pas la portion entertainment, le show de variété. La fusillade hier, Sylvain Cossette et Rob Voisine. Ça, j'en ai rien à faire. Moi, c'est l'enrobage global qui m'intéresse. Colisée Pepsi, Québécois, du monde des estrades pour quelque chose qui veut rien dire. Tu sais, j'ai l'impression que Pelado est en train de monter un très bon dossier à déposer au bureau de Gary Bettman. Et ça, je trouve ça intéressant. Ouais, mais que je crois que les Nordiques vont revenir, mais au moins on a une tentative. On n'aura jamais été aussi près d'eux. J'ai l'impression. Puis étant un fan fini du Canadien, je souhaite ardemment le retour des Nordiques parce que bon, ça va au moins mettre. Il y a une différence entre 7 et 50 le billet et tu sais un billet pour aller voir non, les. Mais, ouais, non mais parce que Marc-André, ça prouve juste que t'as la machine médiatique. Antoine, excuse-moi, Marc-Antoine. T'as la machine médiatique pour créer un événement avec absolument rien. Et c'est l'impression que j'ai par rapport à cette série-là, c'est que c'est une répétition générale pour les Nordiques. Mais là, les billets, ils s'en vont-tu aux joueurs ou bien ils s'en vont à Pierre-Carl Pelado, les billets? Ça doit aller à Pierre-Carl. Ouais, pourquoi ça irait aux joueurs? Les joueurs doivent toucher un salaire de 400-500$ par semaine, 600$. Je ne sais pas comment ça donne. Ils doivent faire moins parce qu'ils sont pas dans l'union des artistes. Donc, en partant, t'es pas syndiqué. Donc, tu touches moins. Puis là, j'avais une question. Moi, sont-ils revenus avec les tunes? Oui. La tune, là, Nick, la chanson. Québec, oui. Loco Locas, là, qui. Fais attention. Je vais le dire. Opportuniste. Oh, arrête, là. Oh, come on. Moi, je la trouve bonne. Loco Locas, qui se bat contre le système. De un, premièrement, est bonne, la toune. La chanson est bonne. De deux, là, Loco Locas ne se bat pas contre le système. Ce qu'ils ont dit, et ils vont le répéter, et c'est tous les artistes qui vont le répéter, j'irai pas faire la promo d'un empire colonialiste. Mais si on m'offre de l'argent, je veux dire, il faut que je les paye les toasts, là. Puis c'est normal, pis c'est comme ça partout. C'est comme les artistes québécois qui vont à la fête du Canada à Ottawa. Écoute, il faut que tu payes tes frais à la fin du mois. Là. Ça, c'est un autre débat, là, mais moi, on critique tout le temps les artistes québécois qui vont à la fête du Canada comme oh, on veut faire un cachet. Mais pourquoi c'est différent de celui qui va à la fête du Québec? C'est la même chose. Je suis tout à fait d'accord avec toi. OK, merci. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Okay. Fait que, puis même souvent, c'est de loin leur meilleur cachet par année. Là, ben oui. Annie Villeneuve pour les Jeux Olympiques, là, elle peut s'asseoir longtemps là-dessus. Là. Paul Piché, sans Saint-Jean-Baptiste, là, Paul Piché, il mange plus. Là. Non. Même chose pour Pierre Flynn ou d'autres artistes. Pierre Flynn? Je suis désolé, je suis plus vieux que toi. C'est qui? Ben oui, d'un mois et demi. C'est pas qui ça? T'as pas écouté Génération 80 à Musimax? Musimax, donc ben le poste que j'écoute pas. Pierre Flynn, non, il y a eu une époque où Musimax était bien bon. Continuez, vous étiez bien parti, mais allez m'instruire moi-même sur Pierre Flynn. On s'éloigne, Pierre. Non, c'est juste qu'on disait que c'est un compositeur tellement talentueux, mais sort un album à tous les 10 ans. Mais là, je m'écarte, puis je prends pas l'expert pour parler de ça. Donc, il y a sûrement quelqu'un à la maison qui fait « Quel épais! » Mais j'espère juste pas Pierre Flynn lui-même. Parce que ça joue au Tim Hortons ou qui travaille. Il reste plus grand temps pour en parler. Hein? Nabokov, je voulais glisser un mot sur ça. Evgeny Nabokov qui a levé le doigt d'honneur aux Islanders de New York et retourné à la maison, semble-t-il, Marc-Antoine? Ouais, c'est ça. À cause d'un règlement qui oblige Détroit à l'envoyer au ballottage, il était réclamé par les Islanders. Il aurait raccroché au nez de Snow. Ouais, ben, c'est ça qu'on a pu lire et entendre. Aïe. J'aurais peut-être fait la même chose. Tu signes un contrat avec Détroit, tu signes un contrat d'un an avec une équipe. Finalement, le contrat il est transféré avec l'autre équipe. Une équipe qui n'a plus aucune chance d'aller en série. T'es agent libre, sans compensation, t'as le droit de signer où tu veux, puis parce que tu joues en Europe, ton choix personnel en tant que personne libre vient se faire brimer par un règlement stupide. Ouais. Je pense que, d'après moi, là, parce que ça fait une couple de fois là, que ça arrive cette année, Carl Wood, que c'est arrivé avec Marek Zvatos aussi. Parce qu'à la base, c'est sûr que Nabokov n'aurait pas quitté sa ligue pour venir jouer avec les Islanders ici. Le deuxième à Di Pietro. Ben, Di Pietro est tout à blessé. Ouais, mais c'est pas grave, là. Je veux dire, ils sont rendus avec combien de gardiens, là? Ils ont échangé Dwayne Rolason. Donc, il y a Poulain. Mauvais trade. Non, je pense qu'il voulait laisser de la chance à Poulain. Poulain qui a 20 ans. Ouais, il est jeune quand même, Poulain. Ah ouais, mais écoute, tu t'arranges pas à mettre du monde dans les estrades, là. Ah, ben non, tu mets-tu du monde dans les estrades avec Dwayne Rolason? Toi, JP, t'as-tu le goût d'aller voir Dwayne Rolason? Ben, Dwayne, je l'aime bien, sauf qu'en même temps, là, regarde, c'est écrit dans le ciel que ça allait arriver, là. C'est quoi, là, il va gagner 250 000 avec la moitié de l'année? À peu près, là, je sais pas. Non, il y a du signé. Il y a dans le ciel, là, qu'il allait se faire par une autre équipe. Il y a du signé pour pas mal plus que ça, là, je sais non, pas. Non, il a signé pour 570 000. 100 000 minimum? Ouais, sauf qu'à cause que c'est la moitié de la saison, la moitié des matchs de jouer, son salaire compte juste pour la moitié sur le cap salarial. Sauf que le débat reste, un joueur qui décide de signer, de revenir en Amérique du Nord avec tout ce que ça contient, je veux dire, le clan Panton, il faut que tu l'appelles. Il y a gros du stock à déménager, tout ça. Puis là, je parle aussi au niveau famille, tout ça, là, pas juste au niveau meubles et Porsche. Il va falloir que ce règlement-là saute. Surtout que Nabokov, c'est un gars qui a déjà fait ses preuves là, dans la Ligue. Là, c'est pas comme si Jocelyn Thibault, il essayait de faire un retour, puis il garde. Lui, il voulait juste une équipe. Là. Nabokov, il y a au moins 2-3 équipes, je suis sûr, qui auraient adoré l'avoir. Sauf que politically correct, du PR, là, tu fais pas faire Ken Holland. Ouais. Et là, comment ça marche, là? Il peut tourner le dos aux Islanders? Ben, j'ai l'impression qu'il a levé le doigt aux Islanders, mais les droits appartiennent encore aux Islanders. Et je suis pas sûr que même avec un échange, Détroit peuvent aller le chercher. Parce qu'il a appartenu à Détroit cette année. Ouais. Un joueur n'a pas le droit d'être échangé à une équipe ou ballotté et revenir à l'équipe en échange. Parce que là, ils vont dire que c'est du monnayage de joueurs, ce qui est interdit. Donc, du côté de Détroit, il va falloir se tourner vers Jocelyn Thibault. Je pense qu'on n'a pas le choix. Ou pas. Ben, Jimmy Howard fait le travail. Oui, mais il est blessé. Oh, c'est un peu, ça je vais aller changer mon coup, là. J'y vais de ce pas. C'est ça qui aide pas. Donc, c'est Joey McDonald et Chris Osgood, si je me trompe pas. C'est Osgood qui est blessé. Ah oui, je pensais que c'était Jimmy Howard. Blessé au genou, oui, Osgood. Ah. À moins qu'il y ait Howard du tout, là. Ça serait logique qu'il serait allé chercher pour ça, là. Ben, si on peut avoir une recherche rapide, on va le savoir parce qu'on s'en va à la pause dans pas très long. Donc, je vais parler lentement pour laisser une chance à Philippe, mais on s'en va à une pause et au retour, ce sera. Il est pas blessé? Non. Il est pas blessé? Non. Ben, en tout cas, pas. Selon ton pool? T'es vraiment allé voir sur le site de ton pool, hein? Non, c'est le site de Red Wings. OK, c'est correct. Donc, au retour, JP, tu nous parles football, là, les séries de la NFL qui se continuent et qui ont pris qui se sont clarifiés là, hier après-midi, hier soir. Donc, tu nous parles de ça après la pause. Yes. Et vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. À l'UQTR, c'est plus dans vos oreilles.

C'était ça. Ouais. Ah non, mais quand même, hein, les Bears ont passé très, très proche. Mais je veux dire, en plus, avec le troisième corps arrière, on était tout près d'un scénario hollywoodien. Là. Le troisième vraiment, qui était le meilleur. Mais... Effectivement. Ben, Jay Cutler a quand même bien fait en début de match. Mais bon, oui, ça allait bien pour Jay Cutler. Quand ça a très bien été blessé. Et Aaron Rodgers, je m'excuse, mais en deuxième demi, pourri. Là. Mais moi, je pense qu'il a joué avec une commotion. Ouais, c'est ça. C'est pas fou. Écoute, un hacker joue tout un match, là. Quel vétéran. Il y en a gros qui disent qu'il était fini avant le début de la saison, à cause de sa blessure de l'an passé. Sauf que, encore pour une fois, qui est le général des Bears? Mm-hmm. Non, mais parlons-en, là, de Jay Cutler, qui ce matin a pleuré ça a l'air, là. Je sais pas si vous êtes sur Twitter, les boys. Non. Okay. Ben oui, c'est fou, il est sur Twitter, par contre. OK, donc, moi, je suis dessus, je le découvre de jour en jour. Là. Ce qui est intéressant, c'est que tous les joueurs de la NFL sont dessus à peu près. Puis, tout au long du match, là, tu peux voir les commentaires des journalistes autant que des joueurs. Puis, mettons qu'ils ont pas été tendres envers Jay Cutler. Derek Brooks, là, l'ancien des Buccaneers, qui est même allé avec... Il n'y a pas de cœur, des affaires de même. Là, donc, je suis un peu d'accord avec eux autres. J'ai toujours bien aimé Cutler. J'ai toujours trouvé, par exemple, qu'il avait pas de caractère, qu'il avait pas de, qu'il avait pas l'aspect psychologique. Puis on l'a encore vu une fois. Là. Je veux dire, c'est le match le plus important de ta carrière. Pour une blessure au genou, tu t'en vas. Je veux dire, n'importe quel carrière qui se respecte aurait joué sur un genou, puis aurait essayé de gagner le match pareil avec son bras. Là. Donc, écoute, je trouve ça dommage à sa part. Je trouve ça dommage pour les partisans des Bears. Paye chèrement pour avoir le match, dont pour son énorme salaire, puis lui, il joue pas, donc... Non, je déchire encore une fois son attitude, là. On en a parlé toute la semaine, de toute façon, dans les médias, comme quoi, qu'il va l'air à s'en sacrer, puis une fois de plus, ça a apparu, là. Jay Cutler, problème d'attitude, c'était un peu ce qu'il avait mis dehors de Denver. Ben, écoute, le gars a l'air de s'en sacrer totalement, là. Pour un gars, là, qu'il a grandi pas loin de là, en Indiana... c'est son club de jeunesse, je veux dire, il a l'air à s'en foutre pas mal, puis à pas comprendre les principes de la situation. Il avait une chance d'être un héros à Chicago, qui cherche la victoire depuis à peu près 20 ans, là, aurait été un héros national là-bas, là, donc, non, encore une fois, il a choqué, puis ça s'est demandé s'il va pas changer d'adresse, là. Il y en a plusieurs ce matin qui le voyaient peut-être à Washington avec Dan Snyder, le propriétaire, qui avec est prêt à faire n'importe quoi pour gagner. Ouais, c'est avec Donovan McNabb, ça va bien aller, là. Ah, mais Donovan ne sera plus là anyway, là, de toute façon. Quoi qu'on dise, là, lui, il s'en va. Je sais pas si ça va être au repêchage, sauf que lui va changer d'adresse presque assurément. Pourquoi il change d'adresse? Écoute, pardon? Pourquoi il change d'adresse? Je sais que ça n'a pas super bien été, c'était... Écoute, lui puis Mike Shannon sont au couteau tiré, là, de toute façon, les Redskins s'en vont nulle part. Ils l'ont mis troisième carrière en fin de saison, donc je pense que le message était assez clair. Peux-tu juste me rappeler son salaire, s'il te plaît? Son salaire, c'est environ 5-6 millions cette année, encore une fois, là, puis pour les trois prochaines années. Là. Ouch! Et donc, ça, c'est des contrats garantis ou comment ça marche déjà dans la NFL? C'est selon... Tu peux te faire couper puis tu retires une partie ou... À moins que je me trompe, là, tu me corrigeras, JP, mais il n'y a aucun contrat qui est garanti. La seule chose qui est garantie, c'est tes bonus de signature. Exactement. C'est okay. Comme si toi, Nicolas, tu signais un contrat à 50 millions pour 5 ans, mais t'en avais à peu près 20 garanties. Donc, Où est-ce que je signe? OK. Mais c'était juste un exemple, Nicolas. Là. C'est pas ce que ces fous vont s'offrir. Donc, malheureusement. Au pire, pour McNabb, il lui reste sa carrière au basketball. Oui, lui qui avait déclaré que s'il y avait un lockout à NBA, encore une fois, il était prêt à endosser l'uniforme des Wizards de Washington. Mais lui qui a connu une carrière intéressante là, au collège là, NBA, ouais, dans le temps qu'il était à Syracuse. Ouais. Faut pas lui enlever son talent, mais en tout cas, anyway, j'ai toujours aimé McNabb, puis j'espère qu'il va changer d'adresse pour lui. Il y en a plusieurs qui le voyaient à Minnesota là, pour remplacer éventuellement Brett Favre. On parle de joueurs à gros contrats là, qui n'utilisent pas nécessairement la marchandise. On va se ramener un peu en fin de semaine. Le Danian Tomlinson du côté des Jets, pas son meilleur match. Quand on en a eu besoin dans les gros jeux, troisième, quatrième essai, fait pas le travail. Est-ce que tu penses qu'il pourrait ne pas être de retour à New York l'an prochain? C'est sûr qu'il partageait dans le fond, c'est un tandem avec Sean Green. Mm-hmm. Moi, je pense qu'il va être de retour. Il a fait un bon travail cette année, là, presque 1000 verges au sol. Il est rendu à 32-33 ans. Mm-hmm. C'est sûr qu'il est à la fin de sa carrière. n'a plus l'explosivité qu'il y avait dans le temps avec les Chargers. Puis c'est pour ça aussi que les Chargers ont libéré, là, c'est pas pour n'importe quoi. Ouais, on l'a vu là à la ligne des buts, il a pas été capable de marquer le toucher, a plutôt sauté dans le paquet là, si on veut. C'est ça que je trouvais. Après de les contourner, mais regarde, moi je pense que sur un troisième essai, il est tellement utile grâce à ses excellentes mains. Puis il y en a encore dans le réservoir. Je pense que non, les Jets peut-être donner plus de responsabilité à Sean Green, mais toujours garder Tomlinson pour les troisièmes essais, un peu comme on fait avec Chester Taylor. Ouais. À Chicago, là, puis on le faisait dans le temps avec Minnesota. C'est ce que je trouvais dommage, justement, en regardant le match hier, c'est qu'en plus, on mettait pas nécessairement Tomlinson dans des situations qui l'avantageaient. Justement, rendu à 32 ans, il n'est peut-être plus le porteur de ballon qui est capable de briser des plaqués comme il faisait avant. Puis surtout qu'on a vu Sean Green faire des grosses courses en plein centre, traverser la défensive des Steelers. Puis quand même, là, traverser le Steel Curtain, il faut le faire. Oui. Puis ensuite, ben, on met Tomlinson dans les gros moments qui, bon, peut-être Tomlinson serait plus apte à courir les tracés vers l'extérieur, là, du moins à ce stade-ci de sa carrière. Écoute, Tomlinson qui court au cinquième rang à peu près des verges en carrière, donc tu y vas avec les statistiques, les probabilités. Ah ouais. Moi, je serais allé avec. Écoute, ben, tu marques un bon point, par exemple. Si c'était à refaire, est-ce que Rex Ryan le ferait? Peut-être, sûrement que oui. C'est un bon entraîneur, là. Il a guidé son équipe jusque-là, c'est pas pour rien. Non, écoute, t'apportes un bon point. Ça va être à voir pour les Jets, là, si je sais pas c'est quoi les modalités de son contrat. Il doit plus gagner autant qu'il gagne que les Chargers, ça c'est sûr et certain. Sauf que non, je pense que les Jets seraient tout un avantage à le garder là, de ce côté-là, puisqu'ils ont rien d'autre là, dans le champ arrière. Sinon, pourquoi pas les Redskins, hein? Les Redskins sont prêts à prendre tous les joueurs à la fin de carrière, là. Non, mais sans niaiser, je pense qu'ils seraient tout à l'avantage des Jets de le garder. Puis sinon, on a tellement eu des bons matchs en fin de semaine. Parle-nous un peu des matchs, là, pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'action. Ben écoute, commencer par les Steelers, le dernier match. Les Steelers qui menaient 24-0 à la demi se sont fait remonter par les Jets et Mark Sanchez. Ils ont très bien joué les Jets, faut leur donner en deuxième demi. Gros match de Mendenhall, j'ai vraiment aimé le porteur des Steelers là, qui a donné ton match rapidement. Encore une fois, on a eu un jeu un peu spécial là. Écoute, le fumble de Mark Sanchez en début de match qui a mené au toucher des Steelers. Ça fait à peu près 2-3 semaines de suite là, qu'on voit ce genre de jeu-là. Donc les arbitres qui ont pris la bonne décision encore une fois. C'est là que j'aime la reprise vidéo à ce niveau-là. Là. Tu crois que le bras de Mark Sanchez allait vers l'avant toi, quand il a été frappé? Non. Donc tu es d'accord avec la décision des arbitres? Oui, exactement. On n'est pas tout à fait d'accord. Mais... Ah, OK. Mais écoute, finalement, c'est moi qui s'est trompé. Si à la reprise, on a accordé le toucher, mais j'avais bien l'impression pourtant que le bras de Sanchez allait vers l'avant. Ben, il y a toujours l'option du tuck rule, là, si on se souvient. Écoute, c'est un peu mélangeant, ce règlement-là. C'est pas tous les arbitres qui l'interprètent de la même façon. Ça serait bon que tout le monde l'interprète de la même façon quand t'es rayé. Quand t'es zébré, là, que tout le monde ait la même vision des choses, ça serait une bonne chose. En même temps, est-ce que ce règlement-là devrait exister? Je pense que c'était pas assez clair que le bras allait vers l'avant pour dire que c'était une passe incomplète. Il y aurait moyen de simplifier le règlement, en fait, de faire comme quand c'est une passe latérale. Si ta passe va pas vers l'avant ou qu'elle est vers l'arrière de la ligne de mêlée puis que le joueur l'échappe, ben, c'est un fumble automatique, c'est pas une passe incomplète. Mais tu peux faire à peu près le même règlement pour ce genre d'échappée-là aussi avec le corps arrière. Ah, je suis d'accord avec toi, mais écoute, la défensive des Steelers, j'en avais parlé un peu la semaine passée, est incroyable. Le rideau de fer, c'est peut-être pas celui des années 70. Donc, écoute, Paul Malou, les linebackers qui sont incroyables, Fire, Lawrence Timmons, qui m'a beaucoup souffert hier, il a eu joué une grosse game. Donc, écoute, les Steelers qui s'en vont au Super Bowl, mais vers un 7e Super Bowl. Mais JP? Oui. J'ai une question pour toi. Ben oui, vas-y. Ça fait deux matchs que les Steelers, le premier, qui ont juste joué la deuxième demi, mais hier, ils ont juste joué la première demi. Penses-tu vraiment que les Steelers sont capables de jouer un match complet le 6 février? Ou, parce que... Ça peut être tag en juin. Ouais, c'est ça. Il va falloir, parce que c'est pas en jouant des demi-matchs au Super Bowl qu'on va le remporter. Ben écoute, en 2006, contre les Seattle Seahawks, ça a pas été leur meilleur match. Puis ils ont réussi à gagner le Super Bowl. Avec un gars comme Roethlisberger, c'est pas le plus... c'est pas le plus beau à voir jouer, sauf qu'il va te faire le travail. Ouais. En situation de quatrième quart, c'est un des meilleurs de la ligue. Les Steelers, qui sont une équipe qui court beaucoup, donc va peut-être pas toujours avec les gros jeux. Sauf qu'ils ont tellement, ils ont la meilleure défensive de la ligue, donc ils se remettent un peu à ça. Du côté des unités spéciales, là, Swisham hier n'a pas eu la chance de nous prouver son réel talent là, depuis le début des séries, lui qui est pas très bon, là, mais écoute, je suis d'accord avec toi. C'est pas les meilleures séries qu'ils jouent, sauf que là, c'est l'histoire d'un match. Même chose avec les Packers, là. Écoute, ils ont tellement bien joué depuis le début contre les Falcons, entre autres. Puis ils sont arrivés hier. Ils ont joué une demi, ils ont réussi à gagner contre les pauvres Bears là, qui étaient sans leur corps numéro un. Donc je sais pas, vous avez vu un peu Todd Collins hier. Ouais, ben pauvre gars, je veux dire. C'était pas facile dans son cas, 39 ans. On se demande pourquoi il est là même. Il était là pour tenir le clipboard, là, comme on dit. Mais... Donner des massages et des conseils. Exactement. Moi, je pense qu'il est allé remplacer Cutler le temps que le corps arrière, le troisième corps arrière, prenne son stock et s'habille. Écoute, il a été mauvais, là, mais mauvais. Tu sais, le gars, je comprends, probablement qu'il connaît le livre de jeu bord en bord. C'est probablement même lui qui assiste le coordinateur offensif. Mais écoute, plus mauvais que ça, là, tu joues pas. C'était... Écoute, je filais mal pour ce gars-là. J'étais là. Moi aussi, j'ai eu un petit malaise. Tu sais, il se disait, hey, pas se poser, ça, là, pas se poser, là. Je suis pas supposé d'être sur le field. Non. Pas supposé être sur le terrain. Puis 0 en 4. Puis en plus, c'était pas des passes longues, là. Pratiquement deux interceptions, là. Les lancer dans les chevilles, là, en plus, là. Oh, c'était pas. C'était peut-être le stress aussi, là, ou je le sais pas, là, mais. Non, ça a pas été un succès du côté de Todd Collins. Et, donc, pour les prochains matchs, là, ben, dans le fond, il reste le Super Bowl, le Pro Bowl. Je vais y aller avec ma prédiction. Dans le fond, Packers, une victoire contre les Steelers. Rodgers, qui s'en va directement au temple de la renommée avec une victoire. T'es rapide, mon gars. Non, mais pour vrai, je vois qu'une surprise. Les Packers, là, qui sont sixième, je sais pas comment on dit ça en français. Classé sixième. Ils sont classés sixième, ouais, merci Nicolas. Donc, écoute, on peut jouer un gros match contre les Bears, sauf qu'ils ont réussi à sauver quand même la victoire. Donc, j'irai avec les Packers, moi, pour le match ultime. Title Town, qui enfin mérite un titre après 13 ans, là. Ouais. Pour la ville de Green Bay. Pour la ville de Green Bay, pour l'agglomération, devrait-on dire. De toute façon, c'est dans deux semaines. On va avoir le temps en masse d'en reparler avec les deux équipes. J'ai l'impression que je trouve que Green Bay rentre tellement avec une. J'ai juste le terme anglais, mais avec une drive. Avec le momentum. Le momentum et un élan, vraiment. Dans ce match-là, je les vois mal perdre. Des Wildberg, tout leur réussit bien présentement. Oh, je suis pas prêt à dire ça, moi. La fin du match contre les Bears, là, il n'y avait même pas l'air d'être sur le field. Il n'y avait pas l'air d'être sur le terrain. Les Bears faisaient à peu près ce qu'ils voulaient. Puis c'est le troisième quart. Là. Fait que. Moi, je suis vraiment pas prêt à dire ça. Selon moi, les Steelers vont l'emporter. Puis relativement facilement. Puis je vois avec le bon vieux cliché, là, l'offensive vend des billets. Puis la défensive gagne les championnats. Ouais. Du côté des Steelers, là, on a. Un corps arrière mobile qui est capable de faire des bonnes passes. On a Mendenhall, qui est le porteur de ballon, qui est incroyable en série. Puis la défensive des Steelers, qui est toujours très puissante. Je vois pas comment Aaron Rodgers va pouvoir s'en sortir. Sauf que d'un autre côté, et on le sait, ça aussi c'est un cliché, mais au football, c'est un match et il peut tellement passer de choses. Gars, Cutler hier. Ah oui, c'est sûr. Est-ce que c'est la même game si Cutler se blesse pas? Pas du tout. Pas du tout. Et c'est ce qu'on va voir, le 6, là, vraiment, à savoir qu'est-ce qui est quoi. Il y a tout un. Les impondérables, les fameux impondérables. Mm-hmm. Là, ça va être à Dallas. C'est un stade couvert, donc on peut oublier la météo. Ça sera pas un facteur. Bon, on a vu que ça avait été un facteur aussi dans le cas d'Aaron Rodgers. La semaine dernière, il était pas mal plus. Pas mal meilleur sur un terrain synthétique, contrairement à cette semaine là, sur mais pourtant à Green Bay il joue sur un terrain naturel. Il était pas à Green Bay la semaine dernière? Non, ok, ouais. Non mais je veux dire au Soldier Field, le terrain est naturel et il est habitué toute la saison à jouer sur le terrain naturel de Green Bay. Il faisait froid à Chicago. Je pense qu'à Green Bay, on n'a pas besoin de défiler. Mais quand même, on l'a vu mieux performer la semaine dernière là, contre le Jeun Blanc, là, contre les Les Falcons. Les Falcons, ouais. Donc, à Atlanta. Donc, en tout cas, écoute, on verra. S'il répète les performances au Cowboy Stadium qu'il a fait au Georgia Dome, bonsoir, ils sont partis, là. On va s'entendre pour dire que, selon moi, là, les receveurs des Jets sont meilleurs que les receveurs des Packers. Bon. Et hier, les receveurs des Jets, on les a pas vus du match. La tertiaire des Steelers a été beaucoup plus efficace que les receveurs des Jets. Et je vois pas comment Donald Driver, 93 ans, là, à un moment donné... il attrape encore, des bonnes mains. Ah ben oui, c'est sûr. Oui. Oui, non, effectivement. Mais c'est plus une jeunesse, hein? Ouais. JP, j'imagine que tu vas nous faire une analyse des forces en présence dans les prochaines semaines. Là. Ben oui, de toute façon, c'est le Pro Bowl cette semaine. Ah oh, ouais? Oui, donc, c'est... Fait c'est que t'as le temps, on n'a rien à parler. On nous a promis des surprises. Il n'y en aura pas. Il va t'en un pêcheur entre équipes? Je sais pas, ça serait bon un... Ça serait bon que tu nous fasses une analyse du show de la mi-temps, s'il te plaît. Bon, ben, pas de problème. Hey, merci beaucoup, JP. All right. Bonne semaine. Salut, bonne semaine, bye. Donc, c'est ce qui conclut cet épisode de l'inconduite de partie. De l'inconduite de partie. Vous pouvez nous suivre sur Internet à inconduitedepartie.com, texte, opinion et beaucoup plus, chronique et blablabla. Et vous pouvez réécouter notre émission si vous avez seulement pas entendu la fin. Vous dites, je me demande si on parlait pour le reste de l'émission. Pas grand-chose. Non, mais c'est une blague. À partir de quelle heure, Nicolas, aujourd'hui, on va pouvoir réécouter l'émission? Oh, ça dépend à quelle heure je décide de la mettre, mais dites-vous que ce soir, 5 heures, ça devrait être en ligne. Parfait. Sans beaucoup de problèmes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette aujourd'hui. On se revoit vendredi, comme toujours, et on se laisse avec les Chicken's Well, la chanson LOL, la Fat Loud. Bonne semaine, tout le monde! Jeune et branché sur l'internet, sur mon cell, sur mon Dell, plein de bébelles. Connecté même les jours fériés. MSN, c'est ma vie, c'est mon ADN. Je suis accro au texto, comme toxico. Je m'exprime, je m'affirme, je parle en abrégé. Deux petits points de parenthèse et je me mets en rire. La face lourde, la face lourde. Je suis en ligne, je suis parti, je suis occupé. La face lourde, la face lourde, la face lourde. J'ai chaté toute l'année. J'en ai des bleus sur le bout des doigts. Parce que je suis devenu un illettré. Twitter et Facebook, c'est mon école. Mon adresse personnelle, c'est celle de Hotmail. Pour voir comment je file, tu cliques sur mon profil. J'ai le cerveau dans le jello, ça va faire du temps.